Ce jour-là, j'étais le petit oiseau qui regardait la scène. Je l'ai regardé avec un regard nouveau, presque empreint de sagesse. Le dernier repas. Évidemment, la mort fait partie de notre vie, du moins de la mienne. Par mon histoire et ma carrière, je lui confère maintenant une place VIP à mes côtés. Elle ne me gêne plus maintenant, quand elle reste sage, car elle me rappelle toujours subtilement de profiter de moments de la vie et me permet de me rendre compte à quel point chaque moment peut se transformer en précieux souvenir. La vie étant bien faite, ce mercredi-là a été arrangé avec le gars des vues. Mon ami Daniel et moi décidions d'aller rejoindre notre amie Colombe de passage à Montréal. Nous étions heureuses de nous voir après si longtemps. La frénésie était à son comble. Impossible de ne pas croire à une soirée exceptionnelle, sachant très bien que, comme à l'habitude, les fous rires attendaient en ligne. Mais cette fois-ci, nous étions loin de nous douter qu'une quatrième invitée allait se joindre à nous. Elle s'est faufilée si subtilement que je l'ai à peine reconnue. Elle qui est trop souvent extravertie, parfois même intrusive et envahissante. Cette fois-ci, elle se montrait totalement discrète et empreinte de sagesse. Elle n'est jamais très sexy, mais ce soir-là, je l'ai trouvée belle. En plus, elle ne se foutait pas de nous. Elle ne nous regardait pas de haut. J'ai même ressenti qu'elle désirait nous comprendre. Ce soir-là, à notre table, il y avait Colombe, Daniel, moi et la mort. Colombe avait quelques heures plus tôt rendu une dernière visite à sa grande amie en fin de vie. Une après-midi lourde de sens. Sylvie, elle ne la reverrait plus. Daniel venait de tourner la page sur la première année de deuil de son père. Et c'est vers de bulles à la main que cette soirée s'est transformée en blind date entre la mort et la vie. J'ai l'impression que nous avons revendiqué notre place ici. Mais bizarrement, le plaidoyer de la mort avait tout autant de sens. Ce soir-là, nous avons ri. Nous avons pleuré. Nous nous sommes vus dans un nouvel angle. Nous partagions des sensations réelles. Des sensations qui nous faisaient nous sentir vivantes. Ce soir-là, Sylvie vivait dans nos paroles. Papa Carrier aussi. Et ils ont partagé ce repas avec nous, comme bien d'autres journées depuis. Quelles étaient les chances que la mort s'invite à notre magnifique table et qu'elle se faufile un chemin entre ces plats extraordinaires du Candide. Ce décor de presbytère jet-set et cette ambiance conviviale avaient délié non seulement les saveurs, mais aussi les langues, afin de parler de la mort pour ce qu'elle est. Ce n'est pas rien. Mes amis venaient de dire adieu. Ce soir-là, la mort n'avait pas gagné, mais elle n'avait pas perdu non plus. Des bulles, du vrai, de l'amitié, des saveurs, des souvenirs. Avoir été témoin de cette vérité entre la mort et la vie. Soyons honnêtes, grâce à cet invité, nous avons ri comme si c'était la dernière fois. Nous avons pleuré pour toutes les dernières fois. Nous avons goûté chacune de nos bouchées comme si c'était le dernier repas. Nous avons apprécié être ensemble comme si c'était la première fois. Ouais.